La truite ne me plaît pas du tout. La gueule, la truite, m'observe pas en dessous. La gueule, la truite, est vraiment trop dangereux. La gueule, la truite, est un horrible vicieux. Il est là juste devant, il me regarde fixement. Il est en colère, ça se voit. Putain, mais j'ai rien fait moi. Il m'attend dans le plat, dans sa salade, il me voit. Il m'observe, il fait pi, me tuer, la seule envie. Tout d'un coup, il se rapproche, ça y est, ma fin est proche. Il est tout prêt, à présent, je vais crever, je le sens. La gueule, la truite, ne me plaît pas du tout. La gueule, la truite, m'observe pas en dessous. La gueule, la truite, est vraiment trop dangereux. La gueule, la truite, est un horrible vicieux. Un horrible vicieux.